Ben voilà pour la Qu'est-ce qu'on enchaîne ? Qu'est-ce qu'on enchaîne ? Eh bien, on peut enchaîner. Est-ce qu'on ne s'écouterait pas le petit horoscope de la balance que je suis ? Ah ben oui, du G7 à la balance. Ben, il n'y a qu'un pas. Pardon. Non, mais toi, j'en profite, donc j'ai le mini-yak. Mini-yak. Voilà, vas-y. On peut monter le son bébé. L'horoscope du jour, avec Astrid von Sirius, astrologue diplômée. Balance, premier décan. Tout le monde, vous compris, sera extrêmement surpris de ce qu'il vous arrivera cette semaine. Sauf peut-être les 6 dragons de Komodo impliqués. Deuxième décan. Évitez de sortir de chez vous, même lorsque la pluie cesse, car il y a peu de chances que les autres occupants de votre logement vous laissent y repénétrer. Troisième décan. Il faut voir les choses positivement. Vous serez propriétaire du record du monde de hauteur de saut en trampoline durant la seconde précédant votre décès. Merci Astrid. Merci Astrid, merci. C'est fou. Alors du coup, comme ça, on ne va pas me laisser rentrer chez moi. Voilà, j'en suis bien malaisée. Comment donc ? Hein ? Ah non, mais c'est ça qui se disait dans l'horoscope, mais tu n'as point écouté. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu es balance ? I am. Ah oui ? Mais yes. De quelle date exactement ? Du 1er octobre, Antoine. Oh, wow. Oui. Et quel ascendant ? Ascendant Capricorne, évidemment. Oh mon Dieu. C'est pour ça, cet air un peu froncé sur mon visage, constamment. C'est ces lunettes jaunes aussi. Oui, c'est vrai. Qui soulignent un petit peu le froncement, le pli du sourcil. La ride du lion, oui. Quelque part, qui n'a rien à voir avec la ride de la balance. La ride du lion, ça existe ? C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. C'est une... Non ? Ok. Tu l'as aussi, Antoine. Ces gens préoccupés. Oui. Tu es quel signe, toi, déjà ? Sagittaire. Oh, of course. Ouais. On laisse juste un peu tout ce blabla, c'est pour laisser un peu de latence à nos collègues qui vont arriver bientôt.